Je commence les premières mesures d'entrée, je viens les baffer. Ramassons d'entier ton meilleur player, j'ai dû frapper. Je peux pas boire la tasse, les chats aiment trop le tourniquet. La punchline est sale, la punchline est d'art, ne m'en veux pas si tes oreilles ont saigné. Saignante est la texture, bouillante est l'écriture. Interdit au moins de 16, coupe à la ceinture. Pendant que t'écoutes, moi je découpe, j'écarte les jambes du rap français. Pas de doute, là je décape, là j'éclate ton maître de cérémonie. J'ai dû masser, t'envoies pas ton bras droit dans ton équipe, y'a que des bras cassés. Ose grailler dans mon assiette, l'instinct de fauve ne reste pas les bras croisés. J'ai plus de seum que chez ton 6 gros, ils disent gros, j'distille trop, ils disent gros. Si tu veux un bon dièse, face et bigot. Vroom vroom, j'roule en solo, j'roule en solo. Ose grailler dans mon assiette, no time, j'aurai ta no time. C'est un pour la graille, viens pas me chercher. De pour mes négros, talent fâché. J'veux pas une part, mais le gâteau entier. On a tous les dents longues, laisse nous croquer no time. C'est un pour la graille, viens pas me chercher. De pour mes négros, talent fâché. J'veux pas une part, mais le gâteau entier. On a tous les dents longues, laisse nous croquer. On voit rouge devant les grosses peines, les gosses craignent plus rien. Les doses ferment, les doses saignent, mes mots gênent plus d'un. Bienvenue dans ma street, à chacun sa manière de faire entrer son bif. Chacun son bise, chacun gérera sa crise. Cerné par les bleus, on vise les billets violets. No time chez les riches, j'irai voler. Aucun état d'âme, on est tous un peu fêlés. La tête froide quand je mets les gants, mais on est cramé. C'est tout pour la famille, des ventres vides. Pour se mettre au vert, on planera dans un nuage de weed. Viens pas me faire la morale, j'encaisse les liasses et même le liquide. À part la dalle, j'ai plus rien dans le bide. Chômage que trop, nos vies prennent pas une ride. Normal qu'on tranche dans le vif, qu'on flanche dans le vice. No time, no time, on tranche dans le vif. No time, no time, laisse pas d'indice. No time, c'est un pour la graille, viens pas me chercher. Deux pour mes négros, talent fâché. J'veux pas une part, mais le gâteau entier. On a tous les dents longues, laisse nous croquer. No time, c'est un pour la graille, viens pas me chercher. Deux pour mes négros, talent fâché. J'veux pas une part, mais le gâteau entier. On a tous les dents longues, laisse nous croquer.